Just MC. Ça dit que je fais pèlerine, bah moi je dis que ça passe. Faut toujours que je les salisse avec une face salace. Je dis trop de bêtises sur des beats qui tabassent. Hélas, comme d'hab, mes bonnes idées passent à l'as. Et je me paraphrase quand on inspire par aux fraises. Équipé d'un barreau de chaise, nous on défendra nos 16. Nos stress poteaux, on parle pas de ce pétale. La gueule à David Guetta quand on se lève trop tôt. Je suis pas costaud, en plus je cause tout seul. Sous seum, je suis un claustro dans un sous-sol. Du coup, boussole, comme ça le blaze est posé. Je suis dosé, comme d'hab, je viens pour. Blasé, faut se déplacer, rencontrer nos auditeurs. Mais comment veux-tu percer sans un marteau piqueur? On est deux kickers qui ont mal à leur petit cœur. Un peu de liqueur pour noyer ce qui nous fait si peur. La peur c'est pour les darons, pour leurs mômes égarés. Effaré pas une thune alors que j'ai payé direct la baronne. Tu veux te parer cause tout seul, tu verras ça résonne. Solitaire rêve de douceur, des paroles, des paroles. La radio c'est pareil, devenu pire que la torture. MC et Ghost Rider sont réglés comme des pendules. C'est l'automne, c'est tendu dans l'auto que des vendus. Demande à Billy drôle de fruits, c'est la saison des pendus. Ouais, ils ont la peau dure, tannée sous le soleil. Primard descendant, joue à chat avec le sommeil. Éloigné des sommets, attends que le défi sonne. Prends le temps d'en faire la somme et derrière d'en faire des sonnets. Bonheur joue de la sonnette à la moindre sonate. Dans le sauna d'un blast dealer, d'arrêter leur sornette. Maison, c'est la tornade, alors tu sors la soirée. Le rat, c'est comme la marée, c'est rat naufragé en sort net.